Oui, c'est pour ça que j'ai pas mis de sirène. C'est justement parce qu'ils reviennent toujours. Et là, s'ils reviennent, ça va leur faire drôle parce que je suis prévenu sur le portable dans les 5 secondes et j'habite à 30 mètres en face. Et j'ai l'artillerie. Ça va pas être un coup de note de musique que je vais les recevoir. Ah ben tu crois pas si bien dire, j'ai une Winchester 30-30 et un Colt 36. Ça va, j'ai tout ce qu'il faut là.